Amis auditrices, amis auditrans, amis auditeurs, bonjour. L'histoire de Radio Caroline. La légendaire radio pirate anglaise des années 60. Troisième partie. Écoutez. Nous sommes après le premier naufrage du bateau en 1980. Ronan O'Reilly, dont on peut admirer la détermination et l'obstination, voire l'entêtement, ce qui explique peut-être que tant de personnes lui soient restées fidèles après, ou malgré, toutes les épreuves et aventures diverses qu'il leur a fait traverser. Ronan O'Reilly est d'ailleurs parfois décrit comme une sorte de gourou mystique un peu illuminé, entouré de fidèles disciples, voire même de fanatiques complets. Bref, O'Reilly, qui avait monté à Panama une nouvelle société dans le seul but de fournir un nouveau bateau à Radio Caroline, entendit alors parler d'un chalutier, le Ross Revenge, qui se trouvait à l'abandon en Écosse. Peter Chicago, DJ et ingénieur en chef du Mi-Amigo depuis 1972, fut envoyé aux États-Unis afin d'y dénicher des équipements radio d'occasion. Mais les fonds que O'Reilly cherchait pour remettre le nouveau bateau à flot lui furent accordés par des investisseurs américains et canadiens apparemment véreux, ou en tout cas pas commodes, qui lui mirent des bâtons dans les roues et le laissèrent finalement sans le sou en 1983. Je n'ai pas trouvé de référence mentionnant où l'argent a finalement été trouvé, encore un mystère, mais visiblement O'Reilly a réussi à se débarrasser d'eux et trouver un autre financement. O'Reilly avait de grandes ambitions pour la nouvelle radio Caroline et il fit installer en Espagne sur le Ross Revenge un mât de transmission de près de 92 mètres de haut. Sans doute très efficace en termes de radiophonie, mais cela avait le très léger inconvénient d'imprimer un mouvement de pendule au bateau, et il fallut compenser cela en alourdissant le bateau avec 300 tonnes de lest. Puis vint la polémique de la couleur du bateau, qui fut d'abord peint, selon l'idée de O'Reilly, en rose bonbon, ce qui faillit engendrer une mutinerie à bord, je plaisante, mais cela provoqua de très vives protestations, avant d'être finalement repeint en rouge. Et le 19 août 1983, sans que personne ne sache alors si la station allait pouvoir survivre financièrement, Radio Caroline était de retour sur les ondes. Ce qui n'était pas prévu au programme, c'est que les investisseurs foireux décidèrent alors d'équiper leur propre vaisseau pirate, le Communicator qu'ils allèrent mouiller en mai 84 à côté du Ross Revenge, histoire de lui faire de l'ombre, et lancèrent ainsi Laser 558, une radio américaine qui avait les moyens de ses ambitions et qui devint si populaire qu'elle attira même les auditeurs de l'officielle BBC Radio 1. La situation dura jusqu'en 85 où une forte tempête effraya, peut-on lire, les personnes à bord du Communicator, et mit fin aux ambitions de Laser 558. Le bateau leva l'ancre et s'en alla. Les difficultés financières de Caroline l'obligèrent finalement à louer leurs équipements à la radio hollandaise Radio Monique. Un autre problème, considéré toutefois comme mineur, fut que le Royaume-Uni élargit dans les années 80 ses eaux territoriales à 12 milles de la côte, ce qui obligea le Ross Revenge à lever l'ancre et à les mouiller un peu plus loin. Survint l'ouragan dès octobre 1987. Tous les bateaux présents dans le secteur allèrent se mettre à l'abri sauf le Ross Revenge, mais était-il nécessaire de le préciser, qui affronta la tempête puis reprit ses émissions radiophoniques desquelles se fut éloigné. Un nouvel ouragan frappa de nouveau le Royaume-Uni le 24 novembre, et cette fois le mât de transmission du Ross Revenge se fracassa avec un bruit épouvantable et tomba dans l'océan en pleine nuit. En attendant mieux, Peter Chicago bricola une antenne en fils de cuivre, ce qui se révéla totalement inefficace mais tout le monde, du moins tous les irréductibles restés à bord, s'en fichaient, c'était l'intention qui comptait. Et comme il n'était pas question que le Ross Revenge rentre à terre, il fallut installer les nouveaux équipements, deux mâts de transmission au lieu d'un seul, et plus petit, l'un pour Radio Monique, l'autre pour Caroline, en pleine mer. Et, après des mois de silence, les deux radios pirates furent de retour sur les ondes. C'était sans compter sur le fait que les autorités hollandaises en avaient plus que marre de subir Radio Monique, et une offensive, auquel se joignirent les autorités britanniques, fut lancée. les Hollandais envoyèrent un bateau, les Britanniques en envoyèrent un autre, et ce fut, comme au bon temps de la piraterie maritime, l'abordage du Ross Revanche, 8, le 19 août 1989, jour anniversaire du lancement de Radio Caroline sur le Ross Revanche, ce qu'en principe ils n'avaient pas le droit de faire, puisque le bateau se trouvait en zone internationale. Les personnes montées à bord prirent par la force le contrôle du bateau et des équipements, qui furent démolis, tandis que le DJ alors à l'antenne continuait son émission, racontant en direct aux auditeurs abasourdis ce qui était en train de se passer, ce qu'il fit jusqu'à ce que Radio Caroline soit définitivement réduite au silence. Les disques avaient également été confisqués. Cependant, personne ne se fit arrêter et les DJ purent quitter libre le bateau en ruine, emmenant avec eux ce qui pouvait encore être sauvé. Mais il en fallait plus, etc. Les fans se mobilisèrent. Certains firent don de leur collection entière de disques, ou de biens divers. Une radio française, je ne sais pas laquelle, fit un don de 2000 livres sterling. Une radio de la région du Kent fit don d'un studio de radiodiffusion complet. On refit également les stocks de carburant et de nourriture. Bref, le 1er octobre 1989. Radio Caroline était de retour sur les ondes. Cela ne dura pas longtemps. Le 1990 Broadcasting Act allait donner autorité aux forces armées britanniques pour réduire au silence les radios pirates en mer, même en zone internationale, et ce quels que soient les moyens employés. O'Reilly alla jusqu'à la Chambre des Lords pour essayer d'empêcher la loi d'être votée, il fut soutenu par un certain nombre d'entre eux, mais perdit finalement la bataille et la loi fut adoptée. Le 5 novembre 1990, le tout dernier programme de Radio Caroline fut diffusé depuis le Ross Revanche. Quelques jours plus tard, l'ancre se brisa, le Ross Revanche dériva, alla s'échouer sur le banc de sable de Godouin et dut être abandonné. Il fut plus tard remorqué jusqu'au port de Douvres, où une équipe de bénévoles parvint, grâce aux dons apportés et aux fonds récoltés grâce à des visites payantes, à remettre le bateau en état, puis il fut transféré dans un autre port. The excitement for me is in racing. Quelques émissions sauvages furent diffusées depuis le bateau, et Radio Caroline fut invitée par des stations commerciales britanniques et françaises à émettre des programmes depuis leurs locaux. Le Ross Revanche, quant à lui, fut mis en cale sèche pour subir une inspection complète, avant d'être de nouveau hébergé dans un autre port. Il se trouve maintenant sur la rivière Blackwater, près de Bradwell. On peut le visiter apparemment, et il est question, sauf erreur de ma part, d'en faire un musée. Un défi, 4 décennies, 3 bateaux, des millions d'auditeurs, des problèmes financiers, de multiples tempêtes affrontées, des avaries, de grandes aventures maritimes et musicales, de belles amitiés, et un homme, déterminé, obstiné, charismatique mais également très mystérieux, à l'origine de toute cette épopée. Telle est l'histoire extraordinaire de Radio Caroline. Il s'agit non seulement d'une page de l'histoire musicale de la Grande-Bretagne et de l'Europe mais aussi, comme le suggère Tom Anderson, d'une page d'histoire tout court. On ne la trouvera en effet jamais dans les livres de classe, et pourtant la musique que l'on entend aujourd'hui doit beaucoup à Radio Caroline, qui a eu la clairvoyance et le courage de soutenir des artistes et des groupes inconnus ou peu diffusés, et a tenu, contre vent et marée, à continuer de diffuser un genre musical extrêmement populaire parmi la jeunesse de l'époque mais qui n'était pas, ou trop peu, diffusé sur les radios officielles, et ce quelles que soient les épreuves à traverser. Si l'on ne peut bien sûr perdre de vue que les lois sont faites pour être respectées, qu'une prolifération anarchique de radios pirates sur les ondes aurait sans doute eu de fâcheuses conséquences, et qu'il n'était donc pas possible d'en tolérer quelques-unes, ou même une seule, à moins de devoir les tolérer alors toutes, on ne peut tout de même s'empêcher de penser que pour chasser, à l'époque, une radio qui ne cherchait qu'à diffuser de la bonne musique, est incompréhensible. De nos jours, dans le monde où nous vivons désormais, on peut comprendre, même si on pense que c'est regrettable, qu'un État veuille y regarder de plus près, mais à l'époque. On ne peut également s'empêcher de ressentir une certaine admiration, voire une admiration certaine, pour ces personnes qui ont placé la musique pop et rock au-dessus de tout, absolument tout, au point qu'ils étaient prêts à entrer dans la clandestinité et même mettre leur propre vie en danger afin qu'elle puisse être écoutée. C'est grâce à toutes ces personnes, un peu hippies, un peu rebelles, que cette radio a pu exister et survivre, et c'est aussi et surtout pour leur rendre un hommage appuyé, et les remercier de ce qu'ils l'ont apporté, que cet article a été écrit. Il n'est pas rare de rencontrer aujourd'hui en Grande-Bretagne des personnes ayant dépassé la cinquantaine ou soixantaine qui ont, pour certains, écouté Radio Caroline depuis ses débuts en 1964 ou presque, alors qu'il était gamin ou adolescent, et pour qui la station de radio représente plus qu'une simple page de leur vie. Radio Caroline est, et restera, pour beaucoup de gens, une véritable institution. Un monument de la radio libre. Radio Caroline existe toujours aujourd'hui et continue de diffuser de l'excellente musique. Après avoir émis par satellite durant plusieurs années, elle émet désormais depuis un studio à Londres sur son site internet. Il est possible également de l'écouter sur son appareil mobile. Radio Caroline a lancé en 2010 une campagne de soutien afin que lui soit attribuée une fréquence pour émettre également sur les ondes radio. Un certain nombre d'élus soutiennent cette campagne. En 2009, The Boat That Rocked It, un film librement inspiré de l'histoire de Radio Caroline, est sorti sur les écrans. Il paraît que les anoraks de Radio Caroline le détestent. Pour ma part, je l'ai trouvé parfois divertissant, avec quelques bons moments, mais dans l'ensemble pas intéressant, car mettant plus l'accent sur les prouesses au lit des DJs sur le bateau et le cliché, sexe, drug and rock and roll, ce qui n'était même pas le cas à bord, que sur la musique elle-même. Il m'arrive souvent d'écouter Radio Caroline, tandis que je travaille sur mon ordinateur. Le style de musique proposé variant selon les animateurs, et comme je suis une immense fan de la musique des années 60 et surtout 70, si le programme du moment me convient moins qu'un autre, je préfère alors écouter Caroline Flashback, une émission de Radio Caroline qui ne diffuse que de la musique de ces deux décennies, et sur laquelle je suis très souvent branchée. J'apprécie également énormément la radio internet de Roger Day, l'ancien animateur de Caroline dans les années 60 que j'ai cité plus haut, sur laquelle est diffusée de la musique qu'on aura peu de chance d'entendre ailleurs. J'écoute aussi le samedi, quand je le peux, le programme de Tony Blackburn sur la BBC 2, où l'on entend par exemple de la bonne musique des années 50, que j'aime bien aussi. Radio Caroline Support Group. Vous écoutez Radio Parasite. Ça tue.